14e chapitre. Notre-Dame de Roscudon. Pendant ce temps, la fontenelle donnait l'ordre d'assaillir les derniers retranchements. Les assiégés se défendirent avec courage et ne se retirèrent qu'après avoir fait mordre la poussière à un grand nombre d'assaillants. Irrités de cette résistance, les ligueurs se répandirent dans les rues, massacrant tous ceux qu'ils y rencontraient. Partout, ce n'était que scène de confusion et d'horreur. Au bruit des arquebusades et au hennissement des chevaux venaient se mêler les lamentations des femmes et les cris des enfants qui s'efforçaient de défendre leur mère des coups des féroces soldats. La ville Rouault, jeune capitaine plein de bravoure et de loyauté, était, comme nous l'avons dit, chef de la milice de Pont-Croix. Après la prise de la ville, il s'était réfugié avec sa femme, avec le recteur de Pouldreuzic et quelques habitants, dans l'église de Roscudon. Ancienne collégiale, aussi remarquable par son gracieux clocher à jour que par l'ornementation de son architecture élégante. Cette église, que l'on peut encore admirer de nos jours à Pont-Croix, est un édifice du XVe siècle. Ce fut en vain qu'il essaya de se défendre avec les paysans qui étaient venus se joindre à lui. Le lieu saint, investi de toutes parts, n'était pas assez bien retranché pour résister longtemps. Après une courte résistance, la ville Rouault fut donc forcée de se réfugier dans la tour de l'église. Tous ceux qui l'accompagnaient étaient décidés à vendre chèrement leur vie et à se défendre jusqu'à la dernière extrémité. « Au nom du ciel, faites silence et cessez vos cris !» disait le recteur de Pouldreuzic, nommé Jean le Cosquer, aux femmes qui les avaient suivies dans le clocher et qui les étourdissaient de leurs lamentations. Priez plutôt le Seigneur, et que votre voix s'élève vers celui qui seul peut nous sauver de la situation périlleuse où nous sommes. » La parole du prêtre, en ce moment, eut quelque chose de si touchant et de si solennel, qu'aussitôt le silence régna dans le clocher. Ainsi rappelées à leurs sentiments religieux, les femmes se mirent à prier avec recueillement pour les défenseurs de Pont-Croix. Pendant ce temps, les assiégés couraient au poste que leur avait assigné la ville Rouault. Les ligueurs qui étaient devant l'église montraient une activité égale et se préparaient à commencer l'attaque. Tout à coup, du haut de la tour, commencèrent à tomber une pluie de pierres et une grêle de projectiles sur les soldats de la fontenelle. Celui-ci, rugissant de fureur à la vue des siens écrasés à ses côtés, ressemblait au tigre dévorant des yeux la proie qu'il ne peut atteindre. On voyait sa bouche s'entr'ouvrir, ses dents blanches grincer de colère, et l'on entendait son commandement retentir par-dessus tout. Il était bien résolu, ce jour-là, à n'avoir de pitié pour personne, et rien n'était capable d'arrêter les élans de sa férocité. « Allons !» dit-il impétueusement à sa troupe, « qu'à l'instant même la porte de cette église soit brisée et que cette tour soit emportée d'assaut !» Aussitôt cet ordre, les haches commencèrent à entamer le portail qui, malgré sa solidité, ne tarda pas à voler en éclats et à livrer passage aux ligueurs. « Bien !» s'écria la fontenelle. « Maintenant, la boule, faites avancer vos soldats et que l'escalier du clocher soit escaladé au plus vite. Il me tarde de voir la ville Rouault en mon pouvoir. Il faut qu'il soit responsable du sang versé dans cette journée, aussi bien que de celui qui l'a fait couler sur l'échafaud. » Soudain, à la voix de leur capitaine, les soldats s'élancèrent et essayèrent de franchir les degrés à pic qui menaient à la première galerie de la tour. Mais ils ne pouvaient y monter qu'un à un, et deux ou trois des assiégés, placés au haut de l'escalier, suffisaient pour défendre l'accès de cet étroit passage. Ce fut donc vainement que la boule tenta d'envoyer d'autres assaillants, car à peine avait-il gravi quelques marches, qu'aussitôt refoulés avec force, ils venaient tomber palpitants à ses pieds, écrasés par les pierres énormes que faisaient rouler sur eux les soldats de la ville Rouault. En voyant ainsi ces gens mutilés expirer sous ses yeux et en considérant les flots de sang qui diapraient les dalles de l'église, Guy Hédère renonça à la dangereuse escalade qui lui avait d'abord paru si facile. « Arrêtez, mes amis » s'écria-t-il, « et qu'aucun de vous ne cherche plus à monter dans cette maudite tour. Assez de morts comme cela. Il faut maintenant que Pont-Croix boive le sang de ses enfants et non le nôtre qui n'a que trop coulé déjà sur cette pierre. » En parlant ainsi, il fit dresser au bas des degrés du clocher quelques fagots de lande et de genêt vert auxquels il mit lui-même le feu, espérant par ce moyen suffoquer les assiégés et les amener à une prompte capitulation. Malgré ce nouveau genre d'attaque tout à fait imprévu, la ville Rouault et les siens, du haut de la tour, continuèrent à faire jouer leur mousqueterie sur les ligueurs qui étaient postés dans le cimetière. Mais les courageux assiégés, à demi asphyxiés par les nuages de fumée qui ne cessaient de monter vers eux, étaient en proie à une grande souffrance. Ils ne résistaient que parce que, grâce aux ouvertures pratiquées dans le clocher à jour de Roscudon, le courant d'air se trouvait sans cesse renouvelé. D'un autre côté, encouragés par le brave la ville Rouault et par les pieuses exhortations du recteur de Pouldreuzic, ils tenaient bon, sans songer nullement à capituler.